Portrait d'assaut sur Fadjet. Cette année, le club Saint-Nicolas à Nancy souffle ses 40 bougies. Et pour marquer l'événement, un week-end festif est prévu. Ce sera tout début septembre, les 6 et 7 septembre précisément. Des animations, des retrouvailles et bien sûr la brocante annuelle. Et on en parle donc en compagnie de Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Yves, merci pour cette invitation. Mais avec plaisir, Samuel, donc président du club Saint-Nicolas. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces 40 ans? Alors c'est espace de vie sociale désormais, depuis début d'année. Donc on est devenu espace de vie sociale, qu'est-ce que ça nous a fait les 40 ans? Bah déjà, un peu comme Fadjet, vous avez fêté vos 40 ans aussi. Effectivement. 40 ans sur un quartier comme le nôtre, c'est quand même quelque chose de bien. Et le fait de passer en espace de vie sociale va accélérer un peu les choses pour le quartier, le public, le tissu associatif, et y compris, et surtout pour nous. On va pouvoir développer un peu plus de choses et animer correctement le quartier comme on aurait le souhaité depuis quelques années. Alors, pour expliquer, un espace de vie sociale pour les auditeurs. Alors, un espace de vie sociale, pour ceux qui sont déjà un peu dans le milieu, éducation populaire, animation du social, c'est un centre social en miniature, on va dire. C'est un agrément qu'on a obtenu par la CAF, qui répond à des critères suite à un diagnostic de territoire qu'on a fait, donc avec tous les tissus associatifs, dont Fadjet fait aussi partie. Donc, on a recueilli des données sur le quartier. Donc, le quartier chez nous va de la place des Vosges jusqu'à Centre-Ville, place Charles III, ce qu'on appelle le quartier Charles III Saint-Nicolas, qui est quand même notre axe majeur, et jusque le boulevard Lebeau. Donc, dans tout ce quartier, on a demandé un peu par des différentes méthodes, des sondages et autres, des questions à remplir. Quelques petites questions aux gens, aux associations, aux commerçants, aux familles, aux écoles, qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de retrouver sur le quartier, qu'on puisse développer. Et puis, c'est surtout aussi ce qu'il y a besoin. Notre porte d'entrée a été ce qu'on appelle le CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, parce que les dernières années, c'était quand même l'activité majeure du Club Saint-Nicolas. Donc, on aide les enfants à faire de l'aide aux devoirs, mais pas de l'aide aux devoirs façon tu fais tes devoirs et après on joue. On met en place des activités ludiques pour pouvoir aider les gamins à comprendre leur scolarité. Donc, par exemple, les maths, on va faire des petits ateliers culinaires. Ça va leur permettre d'apprendre à qu'est-ce que les grammes, comment on convertit les grammes et tout ça. Donc, le fonctionnement était comme ça. Et de là, on a commencé à inciter les familles à nous rencontrer et voir leurs demandes. Ce qu'ils attendent de notre structure, qu'on pourrait leur apporter un plus pour amener de la vie dans le quartier. Vous, en tant que président, vous y êtes à ce poste depuis 2 ans maintenant? Alors, c'est la deuxième année. J'ai été réélu le 16 mai en Assemblée Générale, où en même temps, on a fait l'inauguration officielle de l'espace de vie sociale, avec un grand soutien quand même de la ville, de la métropole, département, et surtout de la CAF, qui n'est pas un des financeurs les plus négligeables, hein, quand même. Faut pas oublier que c'est un agrément CAF. J'oublie peut-être d'autres, mais voilà. En fait, je suis au conseil d'administration depuis quelques années. On avait déjà démarré avec l'ancien président, Monsieur Galliot, quelques démarches avec la ville pour devenir espace de vie sociale. Et ça s'est accentué quand j'ai pris la présidence l'an dernier. Voilà, un anniversaire donc qui est marqué par une belle évolution et j'imagine beaucoup de projets. Mais avant d'en parler, bien sûr, il y a les événements qui vont permettre de fêter dignement ces 40 ans. Ça va se passer donc tout début septembre. Qu'est-ce que vous avez prévu les 6 et 7? Alors, tous les ans, au niveau de ce qu'on appelle la fête de quartier, on a toujours fait une grande brocante pour les gens du quartier extérieur afin d'animer un peu le quartier et le parc Charles III. Donc cette année, on le refait comme tous les ans. Et c'est avéré qu'il y a les 40 ans, donc on s'est dit on va faire un très gros week-end. Donc le 6, on va faire l'ouverture inaugurale de nos festivités au parc Charles III. Donc vous allez retrouver une petite buvette où on va faire de la sandwicherie, de la friterie, enfin toutes ces choses qu'on peut retrouver sur une façon kermesse ou autre. Et différentes activités. Il y aura des intervenants, les Francas de Meurthe-et-Moselle, la Fédération des centres sociaux qui nous accompagnent, des ateliers ludiques pour les enfants, des manèges comme l'an dernier. Là, on aura des manèges sur tout le week-end. Et ensuite, on aura des intervenants musicaux. Et Fadjet fera partie de ces festivités sur la journée du 6 pour faire l'animation et le projet partenariat qu'on travaille ensemble justement avec les podcasts Charles III. Alors, il faut que j'arrête de dire les podcasts d'Aurélie, même si c'est elle qui anime, qui gère toute la partie là, c'est elle qui sera probablement là, qui fera la restitution et qui peut-être redémarrera le projet, qui doit encore redémarrer depuis le 6 septembre. Voilà, les podcasts de Charles III qu'on retrouve régulièrement grâce à Aurélie, mais surtout les enfants qui sont vraiment les acteurs principaux aussi. Et grâce à Fadjet. Donc, on le voit, un week-end festif, ça permet aussi en début d'année, comme ça, de faire connaître toutes les activités que vous proposez aussi. Ça va permettre de nous faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas encore, bien que depuis qu'on a fait l'espace de vie sociale, ça démarre très rapidement. On commence à monter en puissance, ce qui est très bien. Il faut qu'on arrive à pouvoir répondre au maximum des demandes et au projet social qu'on a déposé. On l'a eu pour un an. On est déjà en train de retravailler justement pour obtenir l'agrément pour 2 ans. Donc c'est très compliqué. Tout ça, faut bien cibler. On ne peut pas non plus partir dans tous les sens. Et la journée-là va être aussi un moment de vitrine pour nous, le club, et puis 40 ans quand même. Quand on voit le tissu associatif, comment il est maltraité actuellement, le tissu associatif est quand même très maltraité au niveau national. Il suffit de regarder la pauvre MJC Pichon qui vient de fermer. Donc on va essayer de faire en sorte que nous, on se maintienne, même si on ne peut pas faire des tonnes de choses, mais ce qu'on fait, qu'on le fasse bien et que ça se maintienne encore... Peut-être encore 40 ans, 50 ans, 60 ans. Le plus longtemps possible, c'est ça. On n'en doute pas. Et vous, vous êtes donc président, vous êtes accompagné par des bénévoles, par des salariés, comment ça se passe? Alors, on avait déjà quelques salariés au club, des jeunes animateurs, parce que c'est des contrats saisonniers qu'on avait avant pour l'aide à la scolarité. Et on en a deux qui sont là depuis plusieurs années, qu'on a gardé, qu'on a fait monter un petit peu le volume horaire, dont un qu'on a envoyé en formation professionnelle pour obtenir un diplôme d'animateur professionnel. Donc il y en a qui vont l'étendre, ils vont dire « Ah ben il a le BAFA ». Non, non, on est passé sur un niveau supérieur, vraiment au-dessus, ce qu'on appelle un BBJEPS d'animation, qui est déjà en cours, et on aura une équipe qui va au long terme s'étoffer, et on a recruté donc une directrice pour la structure, qui est Maëlle Klein, qui est quelqu'un de très bien, qui fait du très bon boulot, et qui permet que la structure se développe aussi autre qu'avec les bénévoles, parce qu'avant, les bénévoles faisaient quand même beaucoup, que ce soit l'ancien président, la trésorière, le secrétaire, enfin, on œuvrait quand même pas mal. On œuvre encore beaucoup aux côtés de l'équipe, mais on lève un peu le pied. Maintenant, c'est la directrice et les animes qui gèrent quand même pas mal, ce qui est aussi quelque chose de bien pour nous. Voilà, donc ces 40 ans du club toute l'année, mais surtout ce week-end des 6 et 7 septembre. Le 6, au côté très festif, avec des jeux, plein de bonne humeur en tout cas. C'est ça, avec une clôture par un spectacle samedi soir avec l'Harmonie de Chalini. On appelle ça une harmonie, moi j'aurais appelé ça un groupe musical, qui vont nous faire plusieurs reprises, qui vont du basique jusqu'à du Led Zeppelin et autres. Donc ça va être très très bien. Et le dimanche, la traditionnelle brocante comme on fait tous les ans, avec quelques animations aussi. Et si on veut retrouver toutes les infos concernant... Les infos, vous pouvez les avoir sur les réseaux sociaux. On a notre propre Facebook. Alors là, on est en pleine restructuration, y compris du site internet. C'est encore pas top top. Les infos, vous allez les retrouver aussi. On va faire de l'affichage chez les commerçants. On va faire de l'affichage officiel avec le support de la ville, qui est quand même pas négligeable non plus. Et ensuite, vous pouvez appeler au club notre coordinatrice qui sera là tout juillet sur le portable dédié 07 49 91 19 01 ou par mail à contact@clubsaintnicolas.fr. Alors clubstnicolas.fr. Et là, vous aurez les informations, vous l'aurez au téléphone. Elle vous donnera les tarifs pour ceux qui veulent la brocante. Sachant que pour 5 mètres, on a mis aux non-adhérents un tarif de 10 euros et pour les adhérents du club, ce sera 7,50. On fait juste la tarification parce qu'on a la redevance de l'espace public à payer. Le but n'est pas de faire un bénéfice. Parfait, merci beaucoup Samuel. Je vous laisse le dernier mot, un mot pour résumer ce que représente pour vous le Club Saint-Nicolas. Pour moi, au départ, quand je suis arrivé, avec la demande de l'ancien président que je connaissais, François Galliot, c'était un soutien de par mon expérience professionnelle. Parce que les bénévoles qui étaient là n'avaient pas tous d'expérience dans l'éducation populaire. Pour moi, c'était une association où je m'impliquais, mais je ne me voyais pas prendre la présidence. Et là, avec le passage en espace de vie sociale, qui est quand même quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est mon cœur de métier quand même, m'a permis aussi de développer des choses, et de moi mettre mes compétences et mon savoir à profit, et aussi de récupérer aussi d'autres choses, parce que ça m'apporte aussi. Donc c'est une très belle expérience, avec toute l'équipe qui était l'équipe sortante, on va dire, et qui est toujours à nos côtés, et qui nous soutiennent aussi, et puis la nouvelle équipe qui vient d'arriver, qu'on va pouvoir continuer à développer, et le soutien de tout le tissu associatif. Bon anniversaire au Club Saint-Nicolas. Et Eh bien, merci. Et puis, bon anniversaire aussi à Fadjet, parce que vous êtes toujours dans votre 40e année. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.